Mon ange fait un rêve dangereux. Mon ange fait un rêve dangereux. Perdu dans ses pensées, accroché à la lune, mon ange se sent léger, léger comme une plume. Mon ange fait un rêve dangereux. Couché sur son nuage, emporté par le vent, mon ange part en voyage jusqu'au bout du temps. Amoureux, mon ange attire d'elle, s'envole vers les cieux.